Chapitre 3e. Effet de la communication Barbicane. Il est impossible de peindre l'effet produit par les dernières paroles de l'honorable président. Quel cri, quelle vocifération, quelle succession de grognements, de hurrahs, de hip-hip-hip et de toutes ces onomatopées qui foisonnent dans la langue américaine. C'était un désordre, un brouhaha indescriptible. Les bouches criaient, les mains battaient, les pieds ébranlaient le plancher des salles. Toutes les armes de ce musée d'artillerie, partant à la fois, n'auraient pas agité plus violemment les ondes sonores. Cela ne peut surprendre. Il y a des canonniers, presque aussi bruyants que leurs canons. Barbicane demeurait calme au milieu de ces clameurs enthousiastes. Peut-être voulait-il encore adresser quelques paroles à ses collègues, car ses gestes réclamèrent le silence et son timbre fulminant s'épuisa en violentes détonations. On ne l'entendit même pas. Bientôt il fut arraché de son siège, porté en triomphe, et des mains de ses fidèles camarades, il passa dans les bras d'une foule non moins surexcitée. Rien ne saurait étonner un Américain. On a souvent répété que le mot impossible n'était pas français. On s'est évidemment trompé de dictionnaire. En Amérique, tout est facile, tout est simple, et quant aux difficultés mécaniques, elles sont mortes avant d'être nées. Entre le projet Barbicane et sa réalisation, pas un véritable Yankee ne se fut permis d'entrevoir l'apparence d'une difficulté. Chose dite, chose faite. La promenade triomphale du président se prolongea dans la soirée. Une véritable marche au flambeau. Irlandais, Allemands, Français, Écossais, tous ces individus hétérogènes, dont se compose la population du Maryland, criaient dans leur langue maternelle, et les vivas, les hurrahs, les bravos s'entremêlaient dans un inexprimable élan. Précisément, comme si elle eût compris qu'il s'agissait d'elle, la lune brillait alors avec une sereine magnificence, éclipsant de son intense irradiation les feux environnants. Tous les Yankees dirigeaient leurs yeux vers son disque étincelant. Les uns la saluaient de la main, les autres l'appelaient des plus doux noms. Ceux-ci la mesuraient du regard, ceux-là la menaçaient du poing. De 8 heures à minuit, un opticien de Jones Falls Street fit sa fortune à vendre des lunettes. L'astre des nuits était lorgné comme une lady de haute volée. Les Américains en agissaient avec un sans-façon de propriétaire. Il semblait que la blonde phoebée appartint à ces audacieux conquérants et fit déjà partie du territoire de l'Union. Et pourtant, il n'était question que de lui envoyer un projectile, façon assez brutale d'entrer en relation, même avec un satellite, mais fort en usage parmi les nations civilisées. Minuit venait de sonner, et l'enthousiasme ne baissait pas. Il se maintenait à dose égale dans toutes les classes de la population. Le magistrat, le savant, le négociant, le marchand, le portefaix, les hommes intelligents aussi bien que les gens verts, se sentaient remués dans leur fibre la plus délicate. Il s'agissait là d'une entreprise nationale. Aussi, la ville haute, la ville basse, les quais baignés par les eaux du Patapsco, les navires emprisonnés dans leurs bassins regorgeaient d'une foule ivre de joie, de gin et de whisky. Chacun conversait, pérorait, discutait, disputait, approuvait, applaudissait. Depuis le gentleman nonchalamment étendu sur le canapé des barrooms devant sa chope de cherry cobbler, jusqu'au waterman qui se grisait de casse-poitrine dans les sombres tavernes de Fells Point. Cependant, vers 2 heures, l'émotion se calma. Le président Barbicane parvint à rentrer chez lui, brisé, écrasé, moulu. Un Hercule n'eût pas résisté à un enthousiasme pareil. La foule abandonna peu à peu les places et les rues. Les 4 railroads de l'Ohio, du Susquehanna, de Philadelphie et de Washington, qui convergent à Baltimore, jetèrent le public exogène aux 4 coins des États-Unis et la ville se reposa dans une tranquillité relative. Ce serait d'ailleurs une erreur de croire que pendant cette soirée mémorable, Baltimore fut seul en proie à cette agitation. Les grandes villes de l'Union, New York, Boston, Albany, Washington, Richmond, Crescent City, Charleston, la Mobile, du Texas au Massachusetts, du Michigan au Floride, toutes prenaient leur part de ce délire. En effet, les 30 000 correspondants du Gun Club connaissaient la lettre de leur président. Ils attendaient, avec une égale impatience, la fameuse communication du 5 octobre. Aussi, le soir même, à mesure que les paroles s'échappaient des lèvres de l'orateur, elles couraient sur les fils télégraphiques à travers les États de l'Union, avec une vitesse de 248 447 milles à la seconde. On peut donc dire avec une certitude absolue qu'au même instant, les États-Unis d'Amérique, 10 fois grands comme la France, poussèrent un seul hurrah et que 25 millions de cœurs, gonflés d'orgueil, battirent de la même pulsation. Le lendemain, 1500 journaux quotidiens, hebdomadaires, bimensuels ou mensuels, s'emparèrent de la question. Ils l'examinèrent sous ses différents aspects physiques, météorologiques, économiques ou moraux, au point de vue de la prépondérance politique ou de la civilisation. Ils se demandèrent si la Lune était un monde achevé, si elle ne subissait plus aucune transformation. Ressemblait-elle à la Terre au temps où l'atmosphère n'existait pas encore? Quel spectacle présentait cette face invisible aux sphéroïdes terrestres? Bien qu'il ne s'agît encore que d'envoyer un boulet à l'astre des nuits, tous voyaient là le point de départ d'une série d'expériences. Tous espéraient qu'un jour l'Amérique pénétrerait les derniers secrets de ce disque mystérieux, et quelques-uns même semblèrent craindre que sa conquête ne dérangeât sensiblement l'équilibre européen. Le projet discuté, pas une feuille ne mit en doute sa réalisation. Les recueils, les brochures, les bulletins, les magazines publiés par les sociétés savantes, littéraires ou religieuses, en firent ressortir les avantages, et la Société d'histoire naturelle de Boston, la Société américaine des sciences et des arts d'Albany, la Société géographique et statistique de New York, la Société philosophe américaine de Philadelphie, l'institution smithsonienne de Washington, envoyèrent dans 1000 lettres leurs félicitations au Gun Club avec des offres immédiates de services et d'argent. Aussi, on peut le dire, jamais proposition ne réunit un pareil nombre d'adhérents. D'hésitation, de doute, d'inquiétude, il ne fut même pas question. Quant aux plaisanteries, aux caricatures, aux chansons qui eussent accueilli en Europe, et particulièrement en France, l'idée d'envoyer un projectile à la Lune, elles auraient fort mal servi leur auteur. Tous les life preservers du monde eussent été impuissants à la garantir contre l'indignation générale. Il y a des choses dont on ne rit pas dans le Nouveau Monde. M.P. Barbicane devint donc, à partir de ce jour, un des plus grands citoyens des États-Unis, quelque chose comme le Washington de la science, et un trait, entre plusieurs, montrera jusqu'où allait cette inféodation subite d'un peuple à un homme. Quelques jours après la fameuse séance du Gun Club, le directeur d'une troupe anglaise annonça au théâtre de Baltimore la représentation de Much Ado About Nothing, beaucoup de bruit pour rien, une comédie de Shakespeare. Mais la population de la ville, voyant dans ce titre une allusion blessante au projet du président Barbicane, envahit la salle, brisa les banquettes et obligea le malheureux directeur à changer son affiche. Celui-ci, un homme d'esprit, s'inclinant devant la volonté publique, remplaça la malencontreuse comédie par « As you like it », comme il vous plaira, du même Shakespeare, et pendant plusieurs semaines, il fit des recettes phénoménales.